Annie. Il y a 40 ans, c'était une banalité de la conversation courante de parler du désintéressement des savants et des artistes, comme aussi de leur incapacité pour les affaires, et même cette banalité, basée sur l'observation journalière, pouvait s'étendre jusqu'aux médecins et aux avocats, les savants, des alchimistes cocasses dans leur allure falote, les artistes, des cabrions. Déjà, il est vrai, Balzac avait, à côté de Joseph Bridau, de Schinner, de Léon de Lora, placé Pierre Grassou qui annonçait un dangereux précurseur, mais la tradition n'était pas encore entamée. Elle ne tarda pas à l'être, car l'alchimiste et le rapin disparaissaient tous les jours, et déjà quand je préparais mon roman « Une bonne affaire », qui est l'histoire d'un savant exploité et égorgé par des gens d'affaires, je pouvais voir que si ce type était encore vrai, les gens d'affaires exploités par les savants n'étaient cependant pas rares. Pas plus que ne l'étaient les bourgeois qui se laissaient rouler par les artistes. Le temps avait marché, les mœurs s'étaient transformées, et on était loin de l'époque où mon père, qui en avait été témoin, me racontait ce trait de Berryer. Venu à Rouen pour défendre devant les assises un cultivateur de notre pays, Berryer remettait comme dot à la fille de celui dont il avait obtenu l'acquittement ses 10 000 francs d'honoraires, et Berryer n'était pas riche, car l'utilité, cette somme alors considérable, eut vraisemblablement rejoint la fortune amassée. Loin aussi était le temps où je vivais près d'une sorte de savant, qui était un de ces types du monde universitaire aussi communs à cette époque qu'ils sont rares aujourd'hui, chez qui l'indifférence des choses de l'argent n'avait pour égal que l'ignorance la plus complète de la vie pratique. Si bien qu'avant de sortir, il devait être passé en revue par sa femme pour qu'elle vît s'il n'était point chaussé d'une pantoufle et d'un soulier, ou s'il n'avait point mis son gilet de flanelle par-dessus la chemise, endossé elle-même par-dessus un premier gilet qu'il avait oublié d'ôter. Enfin, loin aussi était le temps où, commençant à avoir des relations dans le monde des peintres et des statuaires, c'était à peine si j'en trouvais un, parmi les peintres, qui eut les allures d'un monsieur distingué ou d'un clubman et fut entendu aux affaires, tandis que nombreux, au contraire, étaient encore les artistes naïfs, candides, dédaigneux de l'argent qui continuaient ces maîtres anciens qu'a si bien caractérisé André Lemoine en disant d'eux « ils avaient travaillé simplement pour la gloire ». Les affaires, ils en prenaient bien souci, vraiment, et sans faire rire personne, le Persignol, que sa femme adultère a conduit à l'Institut, pouvait dire à un candidat « je ne vote jamais pour ceux qui gagnent de l'argent ». Insuffisant, incomplet était donc mon savant d'une bonne affaire, et il m'en fallait un autre qui fût de notre temps, car c'est une nécessité pour un romancier qui marche avec son époque et veut se renouveler, se compléter, de ne point s'en tenir, dans son âge mûr, aux personnages de sa jeunesse, qu'il a pu peindre vrais à ce moment, mais qui ne le sont plus par cela seul que les mœurs se sont transformées. Je cherchais mon savant nouvelle manière, lorsqu'un jour, en me rendant au laboratoire de mon camarade Georges Pouchet, je vis dans une cour des palefreniers et des cochers occupés à panser des chevaux et à nettoyer des voitures qui, par leur élégance, étaient si peu en situation dans ce quartier que, tout en bavardant avec Pouchet, je lui demandai à qui appartenaient ces équipages. À Sauval, le professeur, lui-même. J'eus le pressentiment que je pouvais trouver en lui quelques-uns des traits principaux qu'il me fallait pour mon personnage. Je l'étudiai et l'introduisis dans Annie. Un critique, parlant de Sauval, dit que ce type est plus commun qu'on ne pense, et faisant allusion à celui de la réalité, il ajouta « J'ai pris mes informations sur les personnes. Je le connais même personnellement depuis ma lecture d'Annie, et il paraîtrait, ma conviction est faite, que justement il ne rentrerait pas dans la catégorie précitée, et que ce savant serait au contraire un lutteur, un généreux et un prodigue. » Que le Sauval de mon roman ne soit pas la reproduction exacte et fidèle du vrai Sauval, cela est parfaitement juste. Je suis le premier à le reconnaître, et même je suis satisfait que cela ait été dit. Je me suis déjà expliqué là-dessus. Je fais des romans, non des photographies, et quand j'étudie un personnage rencontré dans la vie courante, ce n'est point la vérité du portrait que je recherche, c'est celle du roman. Sauval m'a fourni des traits du savant dans le train. Je ne l'ai pas copié, pas plus que dans aucun de mes romans, je n'ai copié ou photographié un seul des acteurs que j'ai mis en scène. Il y a une vérité d'art, plus haute et plus vraie que celle de la réalité. C'est celle-là que j'ai poursuivie. Ce n'est pas avec sa femme qu'on fait une Jeanne d'Arc, me disait un jour Chaput. Et cependant, pour toutes les Jeanne d'Arc, il y a eu la pose d'un modèle vivant.